FrenchPod.com. Tu veux un chewing-gum ? Non, merci. Prends un chewing-gum, j'insiste. Hey, je me suis brossé les dents, merci.